Ils font environ 7 mètres, dont toi je te déteste. On nous dit de la mer, j'irai donc cracher sur ta tombe. Sale calamar géant, va pourrir en enfer. Ouais, sale calamar géant. Calamar géant, une usine encore n'est pas si.